Elle dit quoi, la dame? Qu'il y a des purlures, je vais avoir des purlures noires dans mon oreille. Bonjour tout le monde! Tu es revenu? Ne pas crier! C'est Audrey qui lance ce Pyongyang Sirocorse numéro 302. Bravo, bien. Moi j'étais arrêté sur 300 et en fait non, il y en a eu une autre après. Ouais, que c'est j'ai ça, zappé, bah ouais. Ouais, vous n'étiez pas là. Mais c'est ce soir, t'es là et donc tu vas nous régaler avec, avec du bon son, comme on dit dans les vraies radios. Et pas très PCRS au début, ouais. À la fin, ouais. Oh ouais. Mais au début, pas, ouais. Non, parce que. Alors, tu me permettras, premièrement, de passer un truc PCR-esque, même moi-esque. c'est, en effet, je le passe à peu près une fois tous les trois mois, c'est John Cipornik Casino, la fédération russo-américaine de surf, qui font pas que du surf d'ailleurs, hein, ils font aussi du country et du western, tous les styles, je vous dis. Les vlogs qui. Ça vient du Texas ? Non, et je sais plus d'où il vient, ce mec. L'Oregon, je crois. L'Oregon. J'adore l'Oregon, mais c'est un peu pas, fort. C'est bon sur les pizzas. il vient pas du Texas. Mais ils sont en Allemagne, à Cologne, et les deux autres Cologne, membres... Ça pue. Et faut le pas deux la manger. Et la boire. Non, mais même ça a le goût. Et les deux autres membres du groupe, si je peux terminer, bien sûr, sont russes, mais eux aussi habitent en Allemagne. C'est quand même plus facile pour faire des répètes et puis après ça pour partir en tournée. D'ailleurs, il y a une tournée là, mais ils viennent pas jusque ici. Ils restent, enfin, ils passent en France, mais juste dans l'est, quoi, vers Strasbourg, Nancy, puis les Vosges et tout ça. Ils vont voir les copains de Roy Boy. Je ne sais pas. Bon, je sais pas si c'est la même crèmerie. Hein. En tout cas, cette crèmerie ici, c'est Sperr Jansi. Qui en a pris les Tesla, je ne sais pas pourquoi. Et donc, il prend exemple sur les routiers qui vont jusqu'au fin fond de la Mongolie et l'Ouzbékistan, je crois. Enfin, bref. Et bien sûr, il ne pourrait pas faire ça en Tesla, vu qu'au bout de 200 km, tu n'as plus de jus dans le réservoir. Voilà. Tout ça pour dire que, bref, c'est Tesla par John Cipornik Casino. Schon in Albania und Mangalei, gefahren durch Turkmenistan und Mandschurei. Schwerer Last muss ziehen, Maschine muss Arbeit, wenn Problem auf Straße muss bleiben, kalt wie Eis. Ich fahre meinen Diesel überall, weil nämlich Tesla ist für Masafakasaibal. Sonne aber Schwerin, ich esse Sonnenblumen gerne und Amphetamin. Bei mir 1000 Kuschelberge, Flug mit Opiate, sauber eingeladen von der Mafia. Ich fahre meinen Diesel überall, weil nämlich Tesla ist für Masafaka Saibai. Steht sie ganz allein, hat Rastachare, konnte meine Tochter sein. Ich gab ihr Zigarette und mein Polenwein. Sie liebte meine Musik aus der Ukraine. Sie mochte gerne den Geruch von der Asphalt und kam schon immer näher, obwohl ich zu alt. Fragte, ob wir wollen fest zusammen sein. Ich löschte Zigarette und ich sagte nein. Muss fahren meinen Diesel überall, weil nämlich Tesla ist für Masafaka Saibai. We'll be right back. Ça roule les R, c'est bien. Ah oui, hein, roule-moi les R, Johnny. Jamie Lee Curtis ce soir sur Campus 106,6 dans Pyongyang City Rockers numéro 302, ça va ? C'était un grand moment d'émotion, c'était trop bien. Bon. Je me voyais en Transylvanie avec Reverend Beatman déguisé en Dracula et là j'étais là. Ouais. Ah, fouf. Mais tu peux le dire en parlant dans le micro, ça sera beaucoup mieux. Attends, mais je. Hein, quoi ? Oui, c'est vrai, on entend mieux. Non, mais si tu veux, le jour où on aurait des vrais micros de radio, ça marchera tout seul. Là, pour l'instant, on a des micros trop sophistiqués et donc forcément, il faut tout le temps jouer avec le bouton, je sais pas possible. Alors, des fois, on me dit de le faire moins fort, je le fais moins mais fort. Ouais, mais quand je le fais moins fort, c'est pas assez fort. Voilà. Bref. Non, mais je t'expliquerai hors antenne, tu verras. Oui, c'est tout à fait logique. Explique-moi. C'est nul, mais c'est logique. Bon, c'est mais voilà. Super directif, en fait. Tu vois, c'est Heinz Weib, Polly Dwight. Bah oui, c'est ça. C'est l'Allemagne, quoi. Voilà, un peu comme notre société actuelle. Si tu ne fais pas ça, tu te fais taper, tuer, bornier. Y a un mot pour dire le crâne à moitié. Le mec, il s'est fait défoncer son crâne. Enfin, après, ils ont dû retirer un morceau. Oui, complètement. Mais du coup, est-ce qu'il y a un mot dans la langue française ? Parce que tu vois, t'as. Non, c'est non, pas ça, trépané, c'est pas ça. Hein. Là, carrément, ils ont retiré une plaque pour que l'œdème il se résorbe peinard. Quoi. Bah ouais, putain, c'est ça. De la folie. C'est, quoi, quand, même, c'est quand même un truc de fou. Ouais. Bref. Non, mais attends, en même temps, il faut l'ordre hein, et la sécurité. L'ordre, hein. L'ordre. Trois fois. C'est comme Candyman. Surtout que le gars était super dangereux, il sortait de son boulot quand même. Hein. C'est ça. Donc attention, hein, les gens qui travaillent sont dangereux. Mais complètement. Parce que si on travaille, il faut réfléchir et ceux qui réfléchissent commencent déjà à désobéir. C'est dangereux. Bref, bon. Enchaînons. Manu Digital. C'est qui ça ? Mais aussi, on lui a coupé les doigts peut-être. Non, pas encore, non. Je pense pas. Je crois qu'il Manu est bien rangé chez lui. Manu Digital. Oh. Avec un morceau qui il s'appelle. Il est dans les paumes. Just Vegan. Et il fait son petit morceau. Hello Titi. Hello Bobo. Il fait son morceau avec Joseph arrive, Cotton. Il est un peu essoufflette. Ouais. Et alors, ils font du mélo Cotton. Il faut pas du mélo Cotton non plus. C'est un beatmaker, bassiste, compositeur, producteur. Ouais, mais tu l'as déjà passé ici. Non, je l'ai pas passé. Non, mais tu as déjà passé les titres de ce mec-là. Non, je devais, mais on n'a pas eu le temps. Ah ouais. Oui. Mais je l'ai gardé, en fait. Je l'ai écouté, puis j'ai trouvé que c'était bien. In Your Memory. Ouais. Voilà. Et donc, lui, il est spécialisé dans quoi ? Dans quoi le digital, le reggae digital. Son nom, il est marqué dessus. Manu Digital. Numérique. Digital. Avec les doigts. Avec les doigts. Avec les doigts. Toujours avec les doigts. Bref, il a fait énormément de collaborations, notamment avec Alborosi, Bennyman, Bounticula, Bigger Ranks. Et je suis pas hyper spécialiste du reggae digital avec les doigts, mais faut quand même bien avouer qu'il fait ça bien, garçon. Et les samples sont assez bien choisis aussi. On pourrait dire que c'est un petit peu notre Prince Fatih à la française, si certains ont la ref, avec un petit côté de voix la Shaggy, je te parlerai de Prince Fatih après. Prince Fatih, on va dire qu'il est un peu c'est un blanc qui fait pareil mais en Angleterre. Il est gros ? Et pas du tout, non. Et pas du tout, du tout. Non, c'est un beau gosse, un super beau gosse. Mais arrêtez. Quoi ? Et il a une voix la Shaggy, tu vois, il a une voix de black hyper gutturale et hyper grave comme ça. Et en fait, t'as l'impression que c'est un gros black. Ah, comme alors, le, en fait, comme pas le du gars tout. De John C. Porny Casino. Exactement. Voilà. Putain, avec les dents moins. Bref. Et donc, notre ami Manu Digital est produit par X-Ray Prod, label d'Asian Dub Foundation. Ah. L'entourloup. Architecte, entre autres. Ouais. Voilà. Et notre petit Joseph Cotton. Tu avais passé une belle fois. Oui, ça, j'avais passé l'entourloup. Ouais. Joseph exact. Cotton. Il y avait Manu Digital dedans, oui. Me semble-t-il. Donc, t'as vu ? Tac. C'est bien, il suit. Réfléchissement, Jean-Pierre. Et donc, alors, Joseph Cotton, Cotton, il a commencé à gagner sa croûte en faisant quoi, lui ? Je sais pas, du tissu. En étant flic. Mais c'est vraiment pour gagner sa vie. Hein. Ah bah ouais. Puis, il s'est pas mis en grève, je veux dire, il s'est pas fait faire il a fait un arrêt de travail, c'est un truc médical. Oui, parce que tu sais, c'est des pauvres gens. Ah bah, il faut le dire. Le burn-out, hein, tu sais. Ah bah. J'avais vu ça un fait petit truc passer. J'avais vu un truc passer, genre les profs quand ils vont pas bien machin, ils font un burn out. Quand je sais plus quel autre prof, les soignants ils vont pas bien, ils font un burn out. Les flics, ben ils tuent. C'est con. Bah boum. Non, ils peuvent aussi éborgner les gens, les estropier. Enfin, je veux dire. On n'a pas encore eu les viscérations. On n'a pas eu les viscérations, les gars. Ou alors on n'a pas été mis au courant. Mais je ziote. Il y avait pas de caméra. Voilà. Donc en 76, notre petit Joseph Cotton, il s'est dit, bon, non, flic, c'est quand même pas cool. Et donc, le producteur Joe Gibbs le repère. Et donc, il va signer sous le pseudo de Ja Walton. Elle est contente. Ah ouais. Mais il y en a certains, je pense que Dédé, ça va lui parler, par exemple. Ou Cab, par exemple. Bref. Sélecteur DD. Sélecteur DD, ouais. Day-day. Ouais. Donc, Manu Digital, Just Begun. On peut écouter si ça vous fait plaisir. Mmh. Moi, ça va me faire plaisir. Ah oui, c'est hop là. Nice thing again. You can tell it to your enemy and tell it to your friend. Them style I could never end. And that to recommend. Watch out. Well, it's only Just Begun. Manu Digital and Joseph Catan. All right then. It's only Just Begun. Tuku tuku pan the mic pan your pan the version. All right then. It's only Just Begun. Manu Digital and Joseph Catan. All right then. It's only Just Begun. Tung tung pan the mic pan your pan the version. Well, make them know so we are the hangman. Ready for broke the foot and we pop off the man. Easy Digital, you are the real icon. Along with Tuku Tuku, how we set the pattern. Try to twist and we put them in the dustpan. How we set the thing from off the wall tam. Fling it from France, go straight to Hong Kong. Fling it for the human, then we fling it for the man, yeah. It's only Just Begun. Money Digital and Joseph Catan. Alright then, it's only Just Begun. Tuku Tuku pan the mic pan your pan the version. Alright then, it's only Just Begun. Money Digital and Joseph Catan. Alright then, it's only Just Begun. Tung tung pan the mic pan your pan the version. Well, this a one ya full of inspiration. Yes, we sweet like watermelon. Run them out of yassa with the speculation. How we set the rule and the regulation. Ask them if they know about the reputation. Make them know I am the Shakespearean. Along with Digital as the Parisian. We design the one of you upset them program. So it's only Just Begun. Money Digital and Joseph Catan. Alright then, it's only Just Begun. Tuku tuku pan the mic pan your pan the version. Alright then, it's only Just Begun. Money Digital and Joseph Catan. Alright then, it's only Just Begun. Tung tung pan the mic pan your pan the version. Alright then, it's only Just Begun. Tuku tuku pan the mic pan your pan the version. Alright then, it's only Just Begun. Money Digital and Joseph Catan. Alright then, it's only Just Begun. Tung tung pan the mic pan your pan the version. Then make them know say we are the hangman. Rock the foot and we pop off the man. Try to twist and we put them in the dustpan. Easy Digital, you are the real icon. We set the style and we set the pattern. We set the thing from off the wall tam. Fling it from France, go straight to Hong Kong. Fling it for the human, then we fling it for the money go so. It's only Just Begun. Money Digital and Joseph Catan. Alright then, it's only Just Begun. Tuku tuku pan the mic pan your pan the version. Alright then, it's only Just Begun. Money Digital and Joseph Catan. Alright then, it's only Just Begun. Tung tung pan the mic pan your pan the version. Yo. Ling ling. Oui, ben voilà. Ça va, on m'entend bien. Mais oui, on t'entend bien. Bien. Vas-y, tu es là, tu es là, Thibaut. Ok. Ah oui. Arrêtez de crier. Bon. Avec des doigts. Bon, alors moi j'ai beaucoup moins de blabla que pas mes du blabla, compatriotes. Oui, non, c'était chronique. Une super chronique de Merci. Ouf. Vraiment, enfin, j'ai beaucoup aimé aussi, mais moi j'en suis pas là, j'ai pas eu ce temps-là, et en fait ça va aller très vite. Voilà, notre ami l'orienté cuir vient de nous sortir le 20 juillet dernier un tout nouveau clip, donc qui annonce un petit peu son deuxième album. Deuxième album. C'est pas le deuxième album, mais la première, c'est en démo, c'est un long play, donc moi je le considère comme un album. Ouais, mais bah, tu vois, oui, mais lui, non, apparemment. Bah, je pense qu'après, quand même. Doug, si tu nous écoutes, le numéro, je l'ai pas, mais appelle quand même. Bon, en tout cas, le clip est vraiment, voilà, on est en Bretagne, on peut être à Dunkerque aussi, on peut s'imaginer un peu partout. façon, c'est simple. Un peu partout en été. Le synopsis, c'est vraiment, voilà. Si tu veux, la Bretagne appelle plus quand même les espèces de touristes à l'année que le Nord-Pas-de-Calais, ou bon, voilà. Ça va venir, ça va venir. Ça vient quand même. Oui, peut-être. Putain, il va falloir les virer, je te jure. On n'est pas sympa, on n'est pas sympa, il fait mauvais tout le temps. Moi, je suis d'accord avec Doug. Et bah, du coup, inspirez-vous de Gast, de cuir, invitez quelqu'un, faites un tête-à-tête, buvez des coups. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en ce moment, j'ai l'impression. Si vous avez une cheminée, ça m'intéresse. Cette vidéo. Si vous reste des marrons, des châtaignes de l'année dernière, ça m'intéresse aussi. Ça va vite, je t'affaire, ah, mais taisez-vous, vous. Ben, c'est vrai, quoi, merde. Le groupe était prêt à commencer, t'es là, peut-être que tu vas couper le courant. Oui, bah oui, alors moi je passe pas du Nord-Pas-de-Calais, carrément je vais à l'autre bout du monde, l'Argentine. Hein, ah, voilà, quoi. C'est un vrai cinéma, au final. Ben ouais, mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, oui, voilà. Ah, mais non, c'est des Argentins. Ce sont des gens fiables, sympathiques. Je peux y aller, là. Évidemment. Non, parce que sinon, bon, bah, je te laisse parler. Hein. Oh, moi, je pourrais parler de l'Argentine pendant des heures. Voilà, donc c'est Desbordé dont on a déjà passé à peu près l'intégrale depuis qu'ils ont commencé à faire de la musique il y a 3 ans, on va dire. Desbordé qui viennent de juste à côté de Buenos Aires, qui font du hardcore presque digital, d'ailleurs. Avec des doigts ? Oui, avec les doigts. Enfin, puis aussi avec des claviers, puis des ordinateurs. Bah, là, ils viennent de sortir en fin juillet dernier un split avec un autre groupe de Buenos Aires qui s'appelle Incendiaria. Deux titres pour Desbordé, 3 titres pour Incendiaria. C'est du... pour le deuxième groupe dont je ne répéterai pas le nom parce que j'y arrive pas. Il y a trop dit. C'est plus du hardcore comme il faut. Que d'ailleurs je vais pouvoir vous faire écouter maintenant, vu que premièrement je vous passe le titre de Incendiaria qui s'appelle Négationnisme, et ensuite le titre de Desbordé, No Existir, qui a une superbe outro. Ah ouais, que je vous demande d'écouter jusqu'à la fin. Tu veux dire un fade out, quoi. Ouais, mais alors vraiment ils l'ont peaufiné là, ils l'ont chiadé à fond la caisse. Premièrement Incendiaria et ensuite Desbordé. J'ai un truc à rendre. Stop! Bon, t'avais pas la ref. Non, c'était quoi la ref, là, Thibaut? Là, à l'instant, là, ça s'appelle Farsa. C'est un groupe. C'est un groupe allemand, mais qui est pas du coup composé par des Allemands, mais c'est normal, ça va Ils très chantent bien. Ils chantent avec un accent russe. Bah écoute, il y a quand même il y a trois nationalités dans le groupe. Il y a de l'Argentin, c'est pour ça que j'ai enchaîné direct. Bravo. Venezuela. Moi, je dis bravo. Et Catalogne. Argentine, Venezuela, voilà. C'est toujours une super association. Ouais, c'est ça, moi. C'est vrai, en plus, j'ai au moins un exemple sur ça. Bon. Il manque Brésil, Colombie, Pérou. Enfin, après, ça fait... après, c'est plus d'aventure. Après, on appelle ça l'Amérique du Sud. Et l'Uruguay voilà. aussi. Ouais, voilà. carrément. Voilà. Ouais. Bon. Et ça vient de sortir, voilà, le 14 juillet dernier. Et il viendrait en France? Ah ben, je pense qu'ils habitent là. Ils sont à Berlin. Tu vois, c'est à côté. Ils viennent quand? C'est pas loin. Ah ben, allez, vas-y, on les appelle. On les appelle, ou alors non, on va les laisser nous appeler. On a plus le numéro. 03 62 26 89 18. 03 62 26 89 18. Allez. Pendant les plages musicales. Ah, ça, voilà. Je reviens sur ce qui est passé juste avant, donc vous avez pu entendre l'outro digital. Desbordés, on peut trouver les deux titres Desbordés sur desbordeszc.bandcamp.com et puis Incendiaria, c'est pareil avec bandcamp.com aussi. De toute façon, tout le monde est sur Bandcamp. Le jour, tu vois, le jour où ils vont tout fermer, ils vont pleurer. Ils vont tous pleurer. Voilà, oui. En plus, c'est facile de récupérer les MP3 gratos. Avec. Et je vais faire des cours. Oui, je vais faire formation. Digital. Bon, c'est digital là maintenant? Non, c'est pas digital. Là, non, pas. Pas du tout, et on va partir plutôt vers le Niger. Nigeria. Avec les Wings. Le Niger ou le Nigeria? Nigeria. Ouais. C'est Niger, c'est pas beau aussi en ce moment. Voilà. Maintenant, c'est des Russes aussi. Hein. Ils roulent l'air aussi au Niger. Ils sont partout. Da. Les Wings, c'est un groupe de rock donc de l'Est du Nigeria, pour être tout à fait précis. C'est pas Paul McCartney. Ça n'est pas Paul McCartney du tout. du tout. Et donc, c'était les pionniers de l'afrobeat de leurs époques. Super. Fortement influencés par le mouvement funk occidental de la fin des années 60. Bravo. Voilà. Dirigé par Spud Nathan, donc le groupe est devenu assez populaire à leur époque, notamment au Nigeria. Hein, avec de nombreux singles à leur actif. Malheureusement, au plus fort de leur renommée, en 74 je crois, peu de temps après la sortie de leur premier disque, le chanteur et le guitariste principal Quick dans un accident de la voiture. Ouais. C'est encore un complot policier, ça. Non, parce que en fait les routes comme un peu dans c'est les comme en Roumanie. C'est comme en Roumanie, c'est un peu foireuse et là il y avait un pont et le pont ben il a fait comme dans Indiana Jones, il s'est effondré. Si je connaissais le con qui a fait sauter le pont, ben voilà, tac. Voilà, chef, on a perdu la 7e compagnie. C'est le pompon ça. Oui, bah oui, pourquoi tu le dis? Il faut le laisser entendre. Il ne restait que le guitariste rythmique et le bassiste qui eux ont fait chacun ont décidé qu'ils étaient les dignes représentants du groupe et donc ils ont fait deux groupes qui s'appellent c'était assez rigolo alors il y en a un qui a fait The Original Wings, ouais, et le bassiste, et le guitariste a fait The Super Wings. Ah, j'allais le dire en plus. Il était plus tourné vers l'avenir, vers l'innovation et tout. Quoi. Voilà, il y en a un, c'était original, oui. Et l'autre, super. Et donc, chacun, on fait des albums comeback, machin, genre, c'était bien. Et c'était bien, alors Ouais, c'est bien. Enfin, non, mais les deux groupes, ils étaient bien. Non. Le vrai bon, c'est de 70 à 74, et là, c'était vraiment, vraiment bien. Ah, puis après, il avait fait la coutille, puis c'est bon, quoi, on s'en fout. À peu près. Ah ouais, en même temps. Voilà. Ouais. Et donc, le morceau que j'ai choisi de passer s'appelle Single Boys de The Non, Wings. Il n'a qu'un boy. Avant, ils étaient quatre. Ouais, mais là, c'est Cinglebois. Et là, ils sont trop au Cinglebois. Tu vas où à Cinglebois? Mais non, à Bois Blanc. Ah, pardon. Whitewood. Ça démarre pas aussi, ça démarre. Ça ne démarre pas. Thank you. Ah, il craque bien celui-là, j'aime beaucoup. Ouais, j'ai laissé les craquements. Hein. C'est joli. Ouais. C'est un MP3, mais ça craque, c'est trop bien. Trop bien. Mais oui, c'est du punk parce qu'on dit que c'est rippé depuis le vinyle. Un vrai vinyle, il n'y en a plus beaucoup des comme ça. Non. Enfin, il y en a peut-être encore un ou deux à vendre sur Discogs, mais 350 € pour un. J'ai pas regardé la cote de ce truc-là. J'ai pas regardé la cote du coup. Ouais, non, mais faut plus regarder les cotes sur Discogs. C'est n'importe quoi. Avec tous les Japonais, les Américains qui claquent leur fric, enfin, quand ils en ont, ça devient démentiel. Hein? Voilà. Ben, c'est fini. Démentiel aussi le nouveau, bientôt, album de Big Death Amigo, les compas du distro, là, tu sais, rue Georges Mertens. Ils font aussi un groupe, c'est Big Death Amigo. Oui. Et puis, je passe sans autre forme de procès. Eat shit, motherfucker. Mais c'est pas bon. C'est comme la tarte aux concombres, c'est pas bon. Big Death. Vachement bien. C'était vachement bien. Ouais, Chiguida m'a donné envie de cramer mon sandwich au pain suédois. Et puis il y a d'autres titres, je les ai déjà, mais je peux pas les passer parce que c'est Streng Verboten. Et ça sort dans pas longtemps. Dès qu'ils auront tous les sous. Tiens, d'ailleurs, je leur file un peu de sous pour. Sinon, ils font une souscription. Et puis souscription. Non, ça c'est pour les DJ en mode d'argent. Non, la souscription, c'est pas un don. La souscription, c'est tu achètes le disque avant la production pour sortir le disque. Bravo. C'est bien. Bah ouais. Ouais. L'autre, elle voulait du sponsoring. C'est bien, je souscris à ton explication. Vous êtes bien sur Campus, 106,6, émission Pyongyang City Rockers. On ne mange pas dans le studio. Non, c'est pas, je mange pas, je fais un acte politique. Non, mais arrête pas, suédois. On voilà. Ne brûle pas des de pains triangles. On ne brûle pas la Suède dans ce studio. Apparemment, on n'a pas le droit de faire ça. Bon, ok. Bah. Pourquoi bon, qu'est-ce qui se passe écoute, pourquoi t'es chonchon? Pourquoi je suis chonchon? Oui. Parce que ça va mal en ce moment. C'est la merde. C'est la merde, grave, c'est la merde. Et du coup, voilà. On m'a dit l'ordre. Je suis un peu stressé. Candyman. Voilà, ordre. Voilà, ordre. J'ai choisi un petit groupe suédois qui s'appelle Stress SS, qui nous prévient. Stress SS. Ah bah j'ai un truc sur la langue, bah ouais, bah, j'ai pas changé, mais ouais, ils sont là. Hein. Tu parles saucisse. Stress SS. Non. Ça y est. Et du coup... Bon c'est bon, on est débarrassé. Parle. Ça vous avait manqué, hein, cet énorme rire fin et délicat. Excellent, pas excellent. Mon cheveux sur la langue, voilà. Bon les saucisses. Bon, allez, on envoie le pâté. Bah, FFF, FFF, hein, ça marche mieux. Donc voilà, Stress SS qui en 2015 nous avertissait déjà que ça commençait à être un peu la merde en Suède et que le doux serpent du nationalisme arpentait oui. Déjà toutes les institutions. Voilà. Et aujourd'hui, on voit aussi où on en est. Bon, après, effectivement, comme on disait tout à l'heure en off, oui. Nous, c'est pas mieux. Hein. On va repiller l'Afrique pour la 10 000e fois de notre existence. Et il y en a, voilà. Il a dit, je me lève et je m'insurge et je vous dis, fuck. Ah bon, on n'est pas content donc, alors. Voilà. On va se réarmer du coup. Voilà, ce geste attends, politique. Je veux faire une photo voilà. De cette ce alors, geste. Il est en train quand même de cramer un pain suédois là. Ouais, voilà, regarde. Ça, tu vois. Ça, photo. Bon allez, on va envoyer tout de suite parce que sinon on a encore quand même de la musique à passer. Non. Si. Comment ça s'appelle déjà? Warning for Hunden. Attention oui. Aux chiens. Au chien. C'était vraiment très très bien ce Stress SS. Stress SS. Ah ouais, carrément, c'est bon. Stress SS, hein. Ils sont très stressés, hein, les Stress SS. Ah bah il y a de quoi, hein, je pense. Bon. En même temps, si en Suède ça commence à être la merde, tu te dis que chez nous c'est même plus de la merde, c'est au-delà, c'est le volcan, ça brûle. Oui, ouais, là, oui. Ouais. Moi je vais ramener un petit. Mais peu ça fait un moment que c'est comme ça en Suède, quand même. Ouais, mais chez nous ça aussi. Un petit moment. Ah oui, c'est vrai. En Suède c'est un peu chaud quand même parce que le numéro 2. Ah oui, t'as tout cramé, droite, regarde, salaud. Il est quand même en train de dire, enfin, ça fait longtemps qu'il dit ça, hein, quand même, qu'il va mettre des Suédois, il va pas faire les mêmes systèmes de redistribution pour tout le monde. Simplement. Parce que t'as les bons Suédois et les mauvais et Suédois. Et t'as les autres. Ouais. Et ça dépend de la couleur. D'origine néerlandaise. Et pire que ça, parce que pour le coup, c'est des faf, c'est des nazis, quoi. Pire que ça, même les juifs suédois natifs, ils auraient un autre statut, tu vois. Ah oui. Alors, carrément, c'est dans son parti. C'est bizarre, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Enfin, refait. Ouais. C'était bien. Bof. Et ça vous fait rire. Hein. Bon. Non, fait toujours de périr jaune. Moi, je pense que ça te ferait suer, mais bon. Ah, ça me fait suer. Est-ce que ça te fait suer? Ah ouais. Ça te fait suer comme quoi? Ça me fait comme un groupe qui s'appelle Sweat Like a Knop. Like a Knop. Sweat like an ape. Je t'avais dit, je l'appelais. Sweat like an ape. Et donc, la musique, la chanson s'appelle My Silent House. Et littéralement, donc, Sweat like an ape. Pour dire des conneries, ça devient... Il ne peut pas s'en empêcher, c'est pas possible. Ça se traduit littéralement par transpirer comme un singe. Ah. Qui est un groupe français originaire de Bordeaux. Si certaines influences sont plutôt new wave et post-punk, là, ça ne s'entendra pas du tout. Ouais. C'est dégueulasse. Justement, je voulais du post-punk. Non, ça, rien plaît. du tout. Là, ils vont se confronter à du groove funk nigérien. Encore bah ouais, nigérien. Et du coup, sur ce morceau, il ne digère rien. Ouais. Comme le pain suédois, Surtout une fois qu'il est brûlé, le pain suédois. Là, il est en train de finir de se consumer là, sur le. Ouais. D'ailleurs, ça fait une petite trace. Studio, ouais. Voilà. Quelqu'un en extincteur. De la fumée, s'il vous plaît. Là, ouais. Parce que là, ça va faire. Comme moi, l'autre fois au BNR. Ah, j'ai déclenché l'arme incendie. Au BNR. Oh, ouais. Ah, oui. Bon, voilà. Soit. Du coup, moi, je les ai vus le mois dernier en live et c'était juste une expérience incroyable. En album, tu retrouves un peu moins ce côté super magique, mais en live, si vous avez l'opportunité, franchement, allez-y, c'est hyper chouette. En live ou sur le canapé? Ou sur le canapé, soit la canapé. C'est pas possible. Putain, j'en reviens, quoi. Ça n'a pas fait grand bien. La semaine prochaine, on est là. Ouais. Il nous reste un quart d'heure, là, les gars. Hein ? My Silent House. Quoi, ta maison, elle est silencieuse ? Quand je transpire comme un singe, ma maison est silencieuse. Sur le canapé ? Sur le canapé. Bon, reviens, j'en vois. Ah bah voilà, ouais. C'est fini. Radio Flic par Gasoline, un des premiers groupes punk français, même si certains le rangent dans la punk-sploitation. C'est-à-dire le truc fait genre punk, mais par des gens qui avant étaient déjà dans le show business. Genre ah ouais. Bulldozer. Les banquiers, tout ça. Voilà ce que ça m'inspire. Tu connais Bulldozer. Oui, voilà. Oui, oui. T'as, dedans, t'avais des gens de Martin Circus, tu vois. Oui, oui, voilà. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'il s'est vachement bien, mais c'est rangé dans la punk-sploitation. Voilà, c'est tout. Vous êtes sur campus, il est 20h52, depuis que 8 minutes, même pas. Oh, c'est oui. Triste. Voilà, et c'était Gasoline, oui, juste avant. C'est la Gasoline. Ça y est, quand elle rit, il faut baisser le potentiomètre. Ouais, j'ai un truc qui irait bien après. T'as un truc ouais, un truc en plume truc. Non, j'ai un truc suédé. Suédé. Ah bah ouais. Moi, après, j'ai des Suédois. Ouais. Vas-y, c'est quoi? Ça s'appelle The Swaves. Ah, ouais. Les Suèves. Les Suèves, ou Suèves. Ouais. Les Suèves de mon canapé. Et le morceau s'appelle Knife Wallet. Oui. Dans mes wallets. Mais arrêtez. Des voix étranglées, des riffs nerveux, des lignes de basse écrasantes qui se fondent en hymne punk parfaitement absurde dans les wallets. Et ouais, ils sont de Chicago, ces petits garçons, enfin, qui sont grands maintenant, et qui ils ont tout compris, et ils sont tout foufou, et ça passe bien. Et leur son a pas mal évolué en dizaines d'années. Ils sont pas en tournée, enfin aux États-Unis mais pas en Europe. Pas encore. C'est plein d'Américains en ce moment. Bah, voilà. Ils profitent. C'est plutôt les Français qui vont en Amérique. Ils profitent qu'il pleut pour venir ici. Ils ont raison. Et ils jouer raison. Dans on les. Pousse, on grandit les plus, belles, tu ouais. Vois, quand on se fait arroser comme ça. Exactement. Oui. Et donc, c'est une valeur sûre, The Swaves, du garage punk US. Knife Wallet. C'est marrant comme ça suivait bien avec Gasoline, je t'affaire. On est bien d'accord. Ah ouais, t'as vu, c'est ouais, la trop bien. Gasoline. Et il nous reste 5 minutes et à peine 30 secondes. Mon cher Thibaut, c'est ton dernier c'est titre ce soir. Bah, quel est ton dernier mot? Sans transition, je voulais le mettre il y a 2 semaines là pour la 300e, là, un truc un peu vénère. No Filter, Octogone. Octogone. C'est ça. Avec quoi? Avec un canap. Avec tu vas faire canap. Quoi? Je vais souhaiter. Et après, j'irai où? Dans les wallets. Octogone. Et bien, bon. J'envoie nos filtres. We'll be right back. bah oui, préparez-vous parce qu'ils vont passer à la fin du mois au Pits, Fred Agantelotond, avec Black 13, ça va être le gros concert qui avec tue. Black 13. Ouais, oui mon gars. Là c'est les Suédois de vendredi 13 qui nous font tous voir, ça veut dire printemps silencieux, heureusement c'est l'été, donc on fout le bordel et puis Audrey tu peux continuer de crier pendant la minute et demie qui nous reste. C'est bien, t'as réussi à un peu te reculer du micro. On a fini ce Pyongyang Steel Rockers. Dans quelques secondes, vous retrouverez de JD avec Teeth Grinder. Il va encore vous enchanter les oreilles avec, je sais pas, KFN. ou alors Iron Maiden, j'en sais rien, ou autre chose. On se retrouve la semaine prochaine pour la 303ème de Pyongyang Steel Rockers. Et en attendant, on n'oublie pas.